Carapatage, une émission contre toutes les cages. Carapatage, c'est une émission contre les prisons, la répression et le contrôle. À travers l'actualité de l'enfermement, mais aussi son histoire. En racontant les luttes à l'intérieur et à l'extérieur, en échangeant ce qu'on a vu, lu et entendu. Carapatage, c'est tous les premiers et troisièmes mercredis du mois, de 20h30 à 22h, sur Radio Libertaire 89.4 FM. Carapatage, contre toutes les cages. Bonsoir, vous êtes dans l'émission Carapatage contre toutes les cages. On est ensemble jusqu'à 22h. Petit rappel de nos contacts. Pour nous écrire par mail, c'est à l'adresse carapatage@riseup.net ou alors au 4 Villa Stendhal 75 020 Paris. Vous pouvez nous trouver sur Instagram. Le compte s'appelle Carapatage. On a aussi un blog, carapatage.noblogs.org, où vous pourrez réécouter cette émission et les précédentes. Et pour nous appeler en direct, c'est au 01 43 71 89 40 fait aussi l'émission. Donc là, c'est Yentel qui vous parle. Avec moi, il y a Henri. Et oui, c'est moi, salut. Et donc Maëlle, la star qui sait tout faire en même temps. Ouais, la technique est dans l'émission. Donc ce soir, c'est la première émission de l'année. On fait notre quatrième rentrée. Une rentrée qui fait suite à un été sans répit dans la répression et l'enfermement. Donc on va revenir sur quelques séquences sans exhaustivité. Et un peu plus particulièrement sur l'ouverture fin juillet du premier quartier de lutte contre la criminalité organisée, comme il a été baptisé, à la prison de Vendin-le-Vieil. Et sur quelques actions entamées par les prisonniers à l'intérieur. On parlera aussi d'autres résistances, de couvre-feu, de violences pénitentiaires et même d'influenceuses. Mais d'abord, quelques brefs d'actualité. Et on commence par une histoire d'évasion. Oui, alors il y a eu une évasion assez ingénieuse en juillet à la prison de Lyon-Corba, puisqu'il y a un prisonnier mahorais de 20 ans qui s'est évadé en se planquant dans un sac de linge d'un de ses co-détenus qui était libéré ce jour-là. Donc on a vu ça et on a eu envie de vous en parler parce que on imagine que quand même ça voilà il a tenté et ça a marché. Malheureusement sa cavale a pris fin au bout de 3 jours quand il s'est fait arrêter et il sera probablement poursuivi pour évasion en bande organisée. Pour continuer sur quelques histoires réjouissantes, dans la nuit du 11 au 12 août dernier, des cocktails Molotov ont été jetés sur la prison de la santé à Paris, dont 2 qui ont atterri sur la guérite, enfin la guitoune, enfin le truc à l'entrée où il y a des matons. Aucun dégât matériel majeur n'est à déplorer. Par contre, on déplore que 2 jeunes de 16 et 17 ans aient été interpellés pour ces faits. Et ensuite, en parlant de matériel, aux alentours du 15 août, des vols ont été commis sur le chantier de l'extension de la prison de Villepinte en Seine-Saint-Denis. C'est un chantier qui va permettre 700 places supplémentaires dans cette tôle. Les visiteurs sont parvenus à s'introduire sur le site aux alentours d'une heure du matin en découpant le grillage de l'enceinte. Ils forcent ensuite 7 conteneurs où tout le matériel de construction est entreposé pour éviter les vols. L'alarme se déclenche bien, mais le temps d'intervenir, il est trop tard, déplore-t-on dans Le Parisien, qui nous informe aussi qu'il y en a pour 200 000 euros de matériel dérobé. On espère que ça fera au moins ralentir le chantier, même si le projet est estimé à plus de 240 millions d'euros. C'est toujours ça de pris dans la poche de Bouygues, qui, comme d'habitude, s'enrichit en construisant de nouveaux lieux d'enfermement. Et Henri, tu vas nous donner des nouvelles de quelques prisonniers ou anciens prisonniers du coup ? Ouais, alors à commencer par Alfredo Cospito, le prisonnier anarchiste italien dont on parle pas mal dans cette émission et qui est enfermé en Italie sous le régime de sous le régime 41 bis, qui est un régime de détention particulièrement difficile et particulièrement répressif. Et donc il y a un appel à se relayer pour lui envoyer des lettres et des cartes postales sur une longue période afin de maintenir la pression sur l'administration pénitentiaire italienne et de montrer qu'il est soutenu dehors et qu'il sera jamais aussi isolé qu'il voudrait qu'il le soit. Alors un des trucs, une des mesures du 41 bis, c'est que son courrier est bloqué et donc du coup il l'a pas, mais voilà, il y a cette idée que de montrer à l'administration pénitentiaire qu'il est soutenu, même si probablement ça lui arrivera pas. Et ça fait partie de toutes les mesures qui sont faites pour l'annihiler physiquement et psychologiquement. Donc le fait qu'il ait pas son courrier, le fait qu'il ait pas le droit d'avoir accès à des livres, d'avoir accès à la bibliothèque et aussi l'impossibilité d'obtenir des denrées d'utilisation courante comme de la farine ou des vêtements. On vous mettra le lien sur le blog pour, avec l'adresse mail pour participer à cette campagne et s'organiser en tant qu'individu ou co-collectif pour lui écrire. Ensuite, une bonne nouvelle cette fois-ci, c'est celle de la libération de Georges Ibrahim Abdallah, dont on a aussi pas mal parlé, donc qui était un prisonnier libanais enfermé en France depuis 40 ans, depuis plus de 40 ans, et ces derniers temps, il était à la maison centrale de Lannemezan. Il avait été emprisonné en 1984 après avoir été condamné pour complicité d'assassinat d'un diplomate américain et d'un diplomate israélien. Et il était libérable depuis 1999, ce qui donnait lieu à des manifestations une fois par an en soutien pour sa libération et en soutien pour lui devant la tôle de Lannemezan, et aussi des rassemblements devant l'ambassade française au Liban. Voilà, donc il y avait ça a fait l'objet d'un gros soutien dehors, et il dit dans les interviews à sa sortie que c'est aussi ça qui l'a permis de traverser ses 40 ans de tôle. Ça nous donne l'occasion de donner quelques nouvelles qu'on a vues cet été, d'une part sur des prisonniers de Gaza en Israël, et d'autre part sur une attaque qu'il y a eu sur la prison en Iran à Evin, dans le cadre de cette même guerre d'Israël avec les pays autour. Pour commencer, l'appel des prisonniers de Gaza depuis Sdeh Tayman. Donc une prison en Israël. Nous écrivons depuis Sdeh Tayman, un lieu de mort où les hommes et les femmes sont dépouillés de toute qualité humaine. Nous, prisonniers de la bande de Gaza, depuis notre arrestation, une étrange désignation nous a été attribuée, celle de combattants illégaux illégales. Une accusation sans procès, une condamnation sans preuve. Nous avons été dépouillés de notre humanité, pas de vêtements, pas de lit, pas de médicaments. Sous la torture, nous sommes entassés dans les cellules, nous mourons de faim, nus, subissant l'oppression des gardiens. Et ça continue avec plus de descriptions et d'informations sur leur détention. On vous mettra le lien aussi sur le blog. Et concernant la prison d'Evin en Iran, du coup, elle avait été bombardée à la fin du mois de juin par l'armée israélienne. Et du coup, ça avait donné lieu à... les conditions de détention, elles sont déjà très difficiles dans ce pays, dans ce pays et dans cette prison. Et là, elles avaient été bombardées. Du coup, ça a donné lieu à des blessures sur plusieurs détenus, au fait qu'ils n'avaient pas accès à des soins, etc. Voilà, on avait les prisonniers qui étaient pris entre les deux feux de l'attaque israélienne d'un côté et de l'autre côté le régime dictatorial iranien, quoi. Voilà, donc on avait envie de donner ces nouvelles-là et on envoie tout notre soutien à ces prisonniers. Et pour continuer, Maëlle, tu voulais nous faire un petit point sur la situation en Kanaky, comme on en parle souvent dans l'émission. Ouais, on a eu quelques nouvelles de l'international cet été. Du coup, sur la situation en Kanaky, il y a eu un accord qui a été signé le 12 juillet Donc bon, pas forcément rentrer dans les détails ici, mais en gros, ils ont trouvé de justesse un accord pour créer une sorte de pseudo-indépendance avec une administration qui reste quand même sous le contrôle de la France. Et en tout cas, l'info qui me semblait importante, c'est que il y a encore pas grand-chose qui est fait, il reste encore plein d'étapes, il y a encore plein de personnes différentes qui continuent à mettre la pression et à s'opposer à ça, et à s'opposer à la pacification et au contrôle de la France. Et notamment sur cet accord précis, il y aura des référendums en 2026, donc encore plein d'étapes politiques aussi. Et du coup, un accord qui est beaucoup rejeté dans la rue, pas que par les politiciens. Et dans la rue et dans les actes aussi, notamment le 16 août, où il y a encore la pression qui a été maintenue contre les gendarmes, avec 4 balles qui ont été tirées dans le pare-brise d'une voiture de gendarmerie garée mais vide. Voilà, donc. Et sinon, d'autres infos de maintien de la pression à l'étranger contre les flics et les matons. À Thessalonique, en Grèce, il y a eu un engin qui a explosé dans l'entrée de l'immeuble où habite le président de la Fédération Pan-Hellénique, ce qui veut dire grec, des agents pénitentiaires et gardien en chef de la prison qui est pas très loin. Donc après ça, il y a eu pas mal de descentes de flics antiterroristes, comme on aurait pu s'y attendre, mais à ce jour, aucun lien, aucune personne n'a été arrêtée et aucun lien n'est établi par les flics. Donc voilà, suite à cette mésaventure de ce pauvre maton, on va s'écouter un premier morceau. Et Henri, tu voulais nous en dire quelques mots ? Oui, on va écouter Kids in the Cages de The Neighborhood Kids. Et c'est une musique qui est sortie en 2023, mais là, elle a pas mal tourné parce qu'en fait, elle parle des enfants qui sont mis en prison, et elle reprend d'autant plus une actualité parce qu'il y a beaucoup d'enfants qui sont arrêtés par l'ICE aux États-Unis, qui est l'Immigration and Customs Enforcement. Donc c'est une agence qui va dans les tribunaux, va dans les rues et en fait fait des rafles de migrants mexicains par exemple étrangers avant de les mettre dans des les centres de rétention administrative de là-bas, mais qui sont vraiment des grosses prisons. Et du coup cette musique là elle a pas mal été passée dans une lutte et pour appeler à une lutte contre ces prisons là et contre ces arrestations via les migrants, contre les migrants. This is a tragedy, taking the children away from the family. Why is this happening? It's a catastrophe. Stop with the vanity. Where is humanity? We are the refugees. We are in agony. We've been the ones that been taking your salary. We are the hard workers. We are the farm workers. We are the dishwashers. Yeah, we are the ones. Yeah, we are the ones. Yeah, we are the hard workers. We are the lawnmowers. We are the leaf blowers. Yeah, we are the ones, yeah, we are the ones. Yeah, we are the ones that are working construction. And we are the ones that will fix your destruction. And we are the ones that make fruit on your table. And we are the ones that make giving a label. And we are the ones that you're blaming for taking your trust, what you pay me. We are the ones working minimum wages. And we are the ones with our kids in the cages. kiss about the cages. Get them kids about the cages. Get them kids about the cages. Get them kids about the cages. Get them kids about the cages. Get them kids about the cages. Get them kids about the cages. Get them kids about the cages. There's kids in the cages. I'm feeling frustrated. People been looking and laughing and pointing, this ain't entertainment. There's kids in the cages. I'm feeling frustrated. People been looking and laughing and pointing, this ain't entertainment. Worse than a prison. Been overcrowded. Dirty conditions. It's up in the thousands. Stuck in the camps. Your sons and your daughters. Stuck in the camps. No food or no water. This is the time that we burning the border. Now saving the kids and declaring it's over. Now kids and they're living and looking so dangerous. Taking the locks out of cages, I'm breaking it. This is so sick of it, I am so sick of this, Stop all the wickedness, saving the innocent. Don't follow ignorance, get off the internet. I don't want any more victims. Get your hands up for the children. This is a warning before we start forming allegiance. It's war in the system. This time the people have risen. This time we're making a difference. My ancestors told me that we be the ones that'll make it up out of these prisons. These are the chains that we breaking. Ending this mental enslavement. Mess with our people, you're surely mistaken. We saving the next generation. Breaking you out of the matrix. This time the people awaken. Kids are no longer forsaken. We finally getting them out of these cages. Get them kids about the cages. Get them kids about the cages. Get them kids about the cages. Get them kids about the cages. Get them kids about the cages. Get them kids about the cages. Get them kids about the cages. Get them kids about the cages. There's kids in the cages. I'm feeling frustrated. People been looking and laughing and pointing, this ain't entertainment. There's kids in the cages. I'm feeling frustrated. People been looking and laughing and pointing, this ain't entertainment. Get them kids about the cages. Get them kids about the cages. Get them kids about the cages. Get them kids about the cages. Get them kids about the cages. Get them kids about the cages. Get them kids about the cages. It's kids in the cages. I'm feeling frustrated. People been looking and laughing and pointing, this ain't entertainment. There's kids in the cages. I'm feeling frustrated. People been looking and laughing and pointing, this ain't entertainment. Vous êtes de retour dans l'émission Carapatage sur Radio Libertaire 89.4 et on va faire un petit point agenda pour parler un peu de ce qui s'organise en vue de la journée du 10 septembre. Du coup il y a une grosse journée un peu de mobilisation, début de mouvement social, Sbeul plus à voir qui arrive la semaine prochaine. Du coup, ouais, c'est un mouvement dont les origines sont pas hyper claires, nettes ou glorieuses, mais en tout cas qui ensuite a beaucoup pris, notamment cet été, et qui a démarré pas mal après l'annonce du budget de Bayrou. Donc en gros, un budget austéritaire de point, enfin, dernière version, quoi. Et il s'est quand même passé pas mal de trucs à Paris, en tout cas, avec beaucoup d'AG dans l'été et beaucoup d'AG un peu décentralisés par ville. Et donc aujourd'hui, il n'y a pas d'appel central, ce qui est assez chouette. Et si vous voulez aller à des trucs, il y a notamment sur Paris Lutte Info, il y a un recensement de plein d'AG locales. Donc c'est un peu par ville en Île-de-France. Et pour l'instant, les appels principaux, c'est à faire en gros des actions de blocage le 10 au matin de tout point logistique ou de transport, etc. Voilà, je sais pas si on veut en dire plus. Et du coup, c'est aussi dans le cadre de ce mouvement-là que Bayrou, qui a priori avait déjà prévu de démissionner à l'automne, va démissionner plutôt que prévu le 8, ce qui est une première occasion à ce qu'il y ait des appels à rassemblement un peu partout. Je crois que l'appel, c'est devant toutes les mairies d'Île-de-France au moins. Et voilà. En gros, on n'est pas vraiment sûr de ce qui va se passer, mais on se dit que le 10, y a des gens qui vont sortir et qui vont bloquer. Donc c'est cool, et puis bah on donnera des nouvelles de la suite de tout ça. Et on va commencer avec le sujet un peu phare de cet été, qui est l'ouverture de nouveaux quartiers de haute sécurité, qui découle de la loi narcotrafic qui a été adoptée fin avril dernier dans un certain consensus politique. Au point que le terme même narcotrafic s'est complètement imposé dans le débat public et que ça devient narco-ci, narco-ça tout le temps. C'est une loi complètement fourre-tout, mais sur le versant prison-justice, les mesures les plus importantes sont la création d'un parquet national anticriminalité organisé sur le modèle du parquet national antiterroriste. Et on reviendra un petit peu sur cette similitude, ce calque avec l'antiterrorisme. Et c'est aussi, surtout, l'ouverture de quartiers de lutte contre la criminalité organisée, on va dire QLCO pour faire plus simple, parce que sinon, on n'est pas rendu. Dans ces quartiers, ça implique un isolement quasiment total pour les prisonniers qui sont enfermés. Et ça s'inspire du régime dit 41 bis, on l'a évoqué tout à l'heure, Alfredo Cospito y est soumis là-bas en Italie. Et Darmanin a eu l'idée en faisant un voyage accueilli par le gouvernement fasciste italien. Le même Darmanin, il avait annoncé l'ouverture de 3 quartiers de ce type à Vendin-le-Vieil, Condé-sur-Sarthe et Saint-Laurent-du-Maroni. Pour ce dernier lieu, ça avait provoqué un petit frémissement médiatique, puisque c'est en Guyane et que dans cette ville, il y a eu un bagne au siècle dernier. Donc voilà l'image que ça convoque. Et il en avait fait des caisses avec la prison imprenable dans la jungle, etc. Bon, pour l'instant, il y a un quartier QLCO qui a été ouvert fin juillet, et bon, ça suffit comme ça. Donc il est à la prison de Vendin-le-Vieil dans le nord de la France. Les prisonniers ont été transférés au compte-gouttes au terme d'une sélection dans la terreur, avec une rumeur de liste de 100 prisonniers qui seraient transférés là-bas pour terroriser les gens en prison. On se rappelle qu'il y a quand même eu le moment avec c'était DDPF au printemps, et des attaques contre des prisons, des agents de la pénitentiaire, etc. Donc peut-être que ça tombait à pic aussi. Et aujourd'hui, il y a 80 prisonniers qui sont dans ce quartier à Vendin, dont des gens en détention provisoire ou en fin de peine. Bon, s'ils ne l'étaient pas, ce ne serait pas légitime pour autant. Il y a aussi Mohamed Amra. Et donc, on peut aussi penser que l'apparition de ces quartiers, c'est aussi une punition collective suite à son évasion où plusieurs matons avaient été tués. Et pour commencer, on va lire un texte de L'Envolé qui est sorti au mois d'août et qui parle de ces nouveaux QHS. Parole de l'intérieur contre tous les QHS modernes. La loi narcotrafic et les narco-prisons ultra sécurisées ouvertes par Darmanin et sa clique font régulièrement la une et émerveillent plus d'un journaliste. Eh oui, le ministre des tribunaux et des prisons drague passionnément l'extrême droite sur le dos des prisonniers et prisonnières, cible de la politique, des politiques démago-sécuritaires les plus brutales. Fin juillet, à l'ouverture du premier entre guillemets, quartier de lutte contre la criminalité organisée à Vendin-le-Vieil, ces médias aux ordres n'ont évidemment donné la parole qu'aux gardiens, mi-héros, mi-martyrs, et à de malheureux riverains qui ont peur. Mais de quoi ? Alors qu'on entend qu'ici et là, des prisonniers se mobilisent contre leur sort dans les quartiers d'isolement, de trop rares voix s'élèvent pour critiquer ces QLCO, régimes d'isolement poussés à l'extrême. Il est essentiel de faire entendre les voix des emmurés vivants et de leurs proches qui ont toutes les raisons de flipper sur ce qui se profile et de vouloir y résister. Adopté le 29 avril 2025 dans un effrayant consensus contre les « entre guillemets grands-méchants-narcos qui nous menacent tous », la loi narcotrafic permet de faire une extension tous azimuts des pouvoirs de la police, de la justice et de l'administration pénitentiaire et la poursuite de l'enfermement massif de la population. Elle satisfait les revendications des surveillants en limitant les extractions par la généralisation de la visioconférence en détention. Tant pis pour la nette dégradation des moyens de se défendre face à la justice ou même de se soigner. La vidéosurveillance par drone à l'intérieur des cellules est également prévue en attendant la surveillance généralisée. La loi consolide aussi le statut de collaborateur de justice, enseignement repenti, c'est-à-dire poucave. Elle complique et rallonge les procédures de demande de mise en liberté, alourdit la qualification de certains actes comme l'association de malfaiteurs, qui devient un crime, et crée de nouveaux délits comme le concours à une organisation criminelle. Elle renforce la répression contre les rassemblements devant les établissements pénitentiaires. Elle va dans le sens de l'allongement général des peines, notamment par l'augmentation des circonstances aggravantes et la réduction des possibilités de confusion de peine. Dans les QLCO, les prisonniers seront surveillés, quasiment en permanence, coupés du monde et privés de presque tout contact humain. Très peu de parloirs et toujours derrière un hygiophone dont la vitre empêche tout contact physique avec les visiteurs qui, pour la plupart, auront déjà fait des centaines de kilomètres jusqu'à cette tôle plantée au milieu de nulle part. Leurs appels téléphoniques seront réduits à 4 heures par semaine et écoutés en permanence. Ils n'auront pas droit aux UVF, ces unités de vie familiale où il est possible de partager une relative intimité avec leurs proches. Ils ne pourront pas travailler dans la prison, comme Oxy, pour subvenir à leurs besoins, ni voir le moindre brin d'herbe des promenades complètement bétonnées. Après chaque contact avec l'extérieur, ils subiront systématiquement le viol de leur intimité lors de fouilles à nu. Chaque prisonnier ne pourra fréquenter que 2 à 4 autres et sera encadré par des matons en nombre, surarmés et toujours mieux payés. Ce régime doit s'appliquer à des condamnés, mais aussi à des prisonniers en détention provisoire qui peuvent y rester jusqu'à 4 ans, au bon vouloir du garde des Sceaux. Le régime de torture blanche imposé depuis des années à Salah Abdeslam, sans que cela suscite l'indignation des humanistes, mais aussi à Ridwan Faïd, victime de la vengeance de l'administration pénitentiaire depuis son évasion spectaculaire de Réau, va maintenant être étendu à des dizaines puis des centaines de prisonniers. L'objectif est clairement de tenir toutes les détentions par la peur. Qui va subir ce régime ? Jusqu'où ces mesures vont-elles s'étendre ? Et à qui ? Cette politique pénitentiaire particulièrement agressive entend balayer tout ce que les prisonniers avaient acquis au fil des luttes. Dans les années 60 et 70, ils se sont massivement révoltés pour l'amélioration de leurs conditions de survie, pour un peu de sociabilité, puis contre les QHS, quartiers de haute sécurité, ancêtres des QLCO. Par une large médiatisation de leurs revendications, soutenue par une partie de la gauche, ces mouvements avaient obtenu la fermeture des QHS. Qu'à cela ne tienne. Un coup de peinture, quelques barreaux en moins, et ce fut l'invention des QI, quartiers d'isolement, que les prisonniers n'ont cessé de dénoncer comme des lieux de torture blanche. L'envolée relaie depuis les années 2000 la parole des prisonnières qui dénoncent toutes sortes d'extensions de l'isolement dans les détentions. Par le mode de fonctionnement des prisons modernes, par l'instauration du régime porte fermée, là où les cellules restaient auparavant ouvertes une partie de la journée, par l'instauration des QMC, quartier maison centrale, et des prisons de haute sécurité de Condé-sur-Sarthe et Vendin-le-Vieil, déjà ouvertes dans les années 2010 pour mater les prisonniers jugés récalcitrants. Face au déploiement de tant de régimes mortifères, c'est plus que jamais le moment de faire vivre la mémoire de ces luttes, de faire circuler la parole de ceux et celles qui la dénoncent et qui résistent. Pensez, force, courage et détermination aux prisonnières et à leurs proches qui subissent ce régime. N'hésitez pas à nous contacter et à prendre la parole. Merci Mévi pour la lecture. On vous mettra ce texte sur le blog. D'ailleurs, il est accompagné sur le site de l'Envolée de témoignages et de ressources qui parlent des différents régimes d'isolement. Voilà, il y a plein de choses. Donc, si vous avez l'occasion d'approfondir un peu ça, allez. Peut-être revenir sur quelques points sur les quartiers de haute sécurité. Ils ont été supprimés effectivement en 82 quand Badinter est devenu ministre de la Justice. Et on peut renvoyer à l'émission 89 de Carapatage qu'on avait fait, je crois, au printemps dernier et qui parle de cette période de transition en fait des quartiers d'haute sécurité vers les quartiers d'isolement, des luttes qui ont pu accompagner ça fin des années 80 et dans les années 90. Et effectivement, le choix d'implanter ces deux nouveaux quartiers, là, QLCO à Condé, l'a bien nommé, et Vendin-le-Vieille, c'est pas hasardeux. En fait, c'est des prisons ultra sécuritaire et c'est des centres pénitentiaires dans la Sarthe et dans le Nord et qui sont dits jumeaux parce qu'en fait ils ont été construits sur une architecture identique et avec grand renfort de technologies modernes et où c'est déjà fait pour qu'il y ait le moins de contact possible pour les prisonniers. Et bah, tout à l'heure, on parlait de l'inspiration du parquet national antiterroriste et les premiers prisonniers sont arrivés à Condé et Vendin en 2014-2015. Et c'est vrai qu'il faut se souvenir que c'était le moment de l'état d'urgence où plein de mesures d'exception ont été prises, bon, bah, qui sont plus d'exception parce que comme toutes les mesures d'exception, elles finissent par rentrer dans le droit commun et que y a beaucoup de personnes qu'on incarcère là-bas pour des faits de terrorisme. Et ce qui précède déjà le QLCO, c'est que les cellules sont individuelles, les contacts minimisés. On le disait, il y a déjà des portiques à ondes, trucs bidules, là, super sophistiqués, des brouilleurs de téléphone, etc. Et en fait, avec l'ouverture de ces QLCO, on peut y voir une forme de superposition des régimes. La fameuse sélection des prisonniers là, qui s'est opérée au cours du mois de juillet pour être transférée vers le nouveau QHS à Vendin. En fait, ça visait des personnes qui pouvaient être déjà dans des quartiers d'isolement dans d'autres prisons, mais aussi des gens qui avaient le statut de détenus particulièrement surveillés, qui est une étiquette arbitraire qui peut être mise à des gens condamné autant que prévenu, si t'es récalcitrant, si on imagine que t'es un islamiste, si plein de choses, et ce qui fait que t'es encore plus surveillé et qu'on te pourrit encore plus la vie. Donc il y a un amas de plein de régimes, de statuts qui se font comme ça. On va faire une première, enfin deuxième pause musicale. Juste avant ça, je voulais juste dire un petit truc par rapport à la vidéosurveillance par drone à l'extérieur des cellules et donc du coup qui permet de voir dans les cellules. Ça, c'est un peu une nouveauté de surveillance qui va être utilisée en tôle. Et on sait que ce qui est utilisé en tôle sort aussi à l'extérieur et que c'est des trucs qui vont se généraliser en manif, voire même Juste en manif, il y a tout le temps des arrêtés de la préfecture de police. La vidéosurveillance algorithmique, ça devait être que pour les JO. En fait, c'est prolongé un an, deux ans, machin, etc. Et du coup, bah, ce truc de aussi les nouveaux régimes de détention graves sévères que subissent les prisonniers, ils doivent aussi nous donner à penser sur la surveillance qu'on subit à l'extérieur parce que les deux peuvent être mis en parallèle, quoi. Et donc, on va écouter Drogué plutôt que Français de Noir Boy George et on revient. Thank you. messin plutôt que français. De messe plutôt que français. Car la France, elle m'a abandonné. Un matin de septembre, il y a deux choses qui font un homme. Sa mère et sa ville. Plus jeune, mon père me disait, on se trouvera dans le caniveau. Une aiguille plantée dans le bras. Et tu vivras sous les ponts. Mais qu'est-ce qui se passe sous les ponts de nos jours? Personne va sous les ponts de nos jours. Et ça se trouve, c'est un monde meilleur. Peuplé de clochards et de huissiers. Messin plutôt que français, de messe plutôt que français, car la France elle m'a abandonné. Un matin de décembre, il y a deux choses qui font un homme, sa mère et sa drogue. Plus jeune, mon père me disait, tu mourras sous les ponts. Et je suis drogué plutôt que français. Drogué plutôt que français. Car la France, elle m'a abandonné. Et la drogue, elle m'a jamais lâché. Plus jeune, mon père me disait, tu te retrouveras dans le caniveau. Une aiguille plantée dans le bras. Et tu vivras sous les ponts. Putain, mon père, ce mec qui a eu tort tout ça. Putain de vie, pour une fois, il avait raison. On me retrouvera une aiguille plantée dans le bras. Amour sous les ponts. Amour si sur les ponts. Banger. Vous êtes de retour dans Carapatage, l'émission contre toutes les cages jusqu'à 22h sur Radio Libertaire 89.4. Déjà, Yentl, merci pour cette découverte musicale parce que honnêtement, énorme banger. Enfin... Voilà, est-ce qu'il vaut mieux être aussi du Grand Est que français? Bah... Ça, c'est toi qui vas nous le dire. On continue du coup sur les QHS. J'ai trop cru animer l'émission, mais non. Non, non, mais vas-y, je te laisse la parole. En fait, pour continuer sur ce sujet, moi, j'ai regardé un peu l'opération de com' que Darmanin il avait fait par rapport à l'ouverture du QLCO de Vendin-le-Vieil. Et du coup, il y a eu... voilà, c'est surtout une grosse opération de com. On va sélectionner les 100 narcotrafiquants les plus dangereux de France. Il y a eu 4 millions d'euros de travaux qui ont été faits, sécurisation du parking, grilles sur les fenêtres, des cellules hygiaphones dans les parloirs, etc. Avec des termes du genre, on a sélectionné, parce qu'il y a eu d'abord 17 premiers prisonniers qui ont été transférés. On a sélectionné 17 gros CV. Voilà, donc vraiment un gros truc de... on va lutter contre le narcotrafic que tu disais tout à l'heure. Et dans ce petit battage médiatique que j'ai regardé, il y avait aussi des avocats qui parlait et qui disait que, par exemple, l'absence d'unité de vie familiale et les parloirs hygiaphones avec ces cloisons en plastique qui séparent les proches des prisonniers sont déjà en soi une détention inhumaine et une atteinte à la dignité humaine, que en plus de ça, effectivement, il y avait des personnes en détention provisoire, du coup, qui vont être amenées à être jugées, et quand elles vont arriver à leur procès, monsieur, vous êtes enfermé où au QLCO devant d'un Leveil, ça donne déjà une certaine impression, alors qu'il n'y a pas de décision judiciaire qui ont été données et que c'est le ministre de la Justice, ou en tout cas le ministère, qui décide qui va dans ces quartiers-là. Oui, on t'a déjà désigné narcotrafiquant, voilà, c'est ça. Et il y avait déjà cette stigmatisation-là avec les gens qui sont enfermés à Condé. Sachant que la sélection se fait de manière un peu opaque, quoi. Après, il y avait une journaliste qui témoignait et qui disait qu'elle était allée visiter la prison et que l'idée, c'était de créer une détention étanche et qu'effectivement, à l'intérieur, il y avait un silence assourdissant. Donc ça nous refait penser à ce dont on a déjà parlé sur la privation d'essence en prison et qui a l'air du coup d'être décuplé dans ce quartier-là. Et voilà, il y a aussi les prisonniers sont transférés là-bas sans leur consentement, évidemment, et sans leur une possibilité de pouvoir contester, puisqu'en fait, ils ne sont pas informés, donc ils ne pourront pas contester administrativement ou judiciairement cette décision-là. Et du coup, tout ce reportage-là, cette partie médiatique que j'ai regardée, finit sur la question de un avocat qui dit... C'est hypocrite la création de ces quartiers parce que ça crée l'élimination psychique des détenus pose la question du parallèle avec la peine de mort et l'élimination physique, puisque là on coupe complètement des personnes de la société et on les met dans un régime hyper dur. Mais ça, on va le voir un peu plus avec un communiqué de prisonniers justement de Vendin qui est sorti récemment. Je voulais juste redire quelques trucs avant. En parlant de la com, Vendin, ça devient encore plus une forteresse, parce que dès le mois de juillet, il y a déjà eu des entraves au droit de visite des parlementaires. Pour rappel, les députés sénateurs français et les députés européens, depuis quelques années, ils ont le droit de se rendre dans n'importe quelle prison ou CRA spontanément. Donc sans prévenir la direction avant, juste en se présentant à l'entrée et de venir avec des journalistes. Et donc en juillet, il y a un député LFI, même si les visites de LFI, des fois, c'est un peu, on vit pour les caméras. Mais Les matons. Qui a voulu visiter, il a quand même dit que le personnel était engagé, blablabla, engagé à buter. Bref, il a voulu visiter ce nouveau quartier à Vendin. Et en fait, les journalistes qui l'accompagnaient ont eu interdiction d'entrer. Alors que, comme tu le disais, quand c'est sur BFM ou des journalistes choisis, on les laisse rentrer. Et donc, on lui a même confisqué son téléphone à l'entrée en allant jusqu'à prendre la carte SIM pour pas qu'il y ait de photos. Donc, c'est les images choisies par Darmanin qui priment, quoi. Sur les conditions d'enfermement en soi, le texte de l'envolée les décrivait bien. Il n'y a même pas non plus d'accès à la bibliothèque, au sport, à rien du tout. Tu parlais des recours tout à l'heure. Actuellement, il y a un tiers des prisonniers qui se trouvent au QLCO de Vendin qui auraient fait des recours devant la justice pour contester leur transfert. Ça a l'air de pas trop fonctionner, mais leurs conditions de détention, dont certaines pratiques qui relèvent de la torture blanche, en fait, et qui existent ailleurs. Il y a notamment un prisonnier qui a obtenu gain de cause sur l'interruption du sommeil par des réveils nocturnes répétés, c'est-à-dire que les matons allument la lumière toutes les 2 heures dans les cellules ou tapent aux portes toutes les 2 heures la nuit. Donc un juge avait donné jusqu'à fin août à l'administration pénitentiaire pour cesser cette pratique, mais évidemment, le parquet a fait appel. Ce qu'on disait, c'est que ça s'organise aussi à l'intérieur, pas que par des recours et sur le plan judiciaire, et que des prisonniers ont sorti un communiqué le 1er septembre qui parle surtout du traitement qui est fait à leurs proches. Ouais, et communiqué que je vais lire. Donc, grève de la faim à partir du 1er septembre 2025. Nous, détenus, annonçons aujourd'hui une grève de la faim à compter du 1er septembre. Notre mouvement n'est pas dirigé contre nos conditions de détention, mais contre les conditions inhumaines imposées à nos familles. Nos familles payent le prix fort. Elles parcourent des centaines de kilomètres pour venir nous voir, parfois au détriment de leur santé, de leur travail, de leur équilibre. Au parloir, elles se retrouvent derrière un hygiaphone, dispositif justifié officiellement pour éviter l'introduction d'objets illicites. Pourtant, chacun sait qu'un portique à ondes millimétriques détecte déjà tout objet interdit. Même les surveillants témoignent que ce système sert avant tout à casser psychologiquement les détenus et les familles. Une mise en scène indigne. Les familles, y compris des enfants, sont accueillies par des agents cagoulés censés les impressionner. Pourtant, en détention, même, les agents ne portent pas de cagoule. Les appels téléphoniques sont limités à 2 fois par semaine sur des créneaux restreints, 8h, 12h, 14h, 16h. Or, à 16h, les proches travaillent et les enfants sont à l'école. Rappelons que nos proches n'ont commis aucune faute. Ils ont un casier vierge, ils payent leurs impôts et n'ont évidemment aucun numéro d'écrou. La vérité contre les mensonges. Nous ne sommes pas violents avec les agents, seuls quelques individus isolés et déséquilibrés le sont. La vérité, c'est que les agents sont en sous-effectif, et non 250 comme l'affirme le ministre de la Justice, M. Gérald Darmanin. Darmanin ment, le délégué syndical David Lacroix ment. Nos positions. Votre rêve est de nous pousser à la violence. Nous ne tomberons pas dans ce piège. Notre résistance sera pacifique mais déterminée. Le 1er septembre, nous entamerons une grève de la faim pour défendre la dignité de nos familles. Et juste on précise que, évidemment, les conditions de plein de gens amènent à dire plein de choses et que... par exemple, la violence, ça peut amener à beaucoup de répression et on espère que personne n'en aura. Mais sur le fond, si les matons subissent de la violence... Délicat, on va dire, de juger. On soutient pleinement les gens qui sont engagés dans cette lutte, dans les conditions qui sont les leurs. Mais on pense pas forcément que plus d'agents, ça arrangerait les choses. Et juste un point pour être un peu vigilant sur la désolidarisation vis-à-vis de personnes qui sont dites déséquilibrées ou psychiatrisées, parce que la prison, ça peut... amener à plein de choses, à péter des plombs, et donc c'est pas parce que on est avec une étiquette de patient psy qu'on est mieux traité, au contraire, et il faut être solidaire de personnes qui sont psychiatrisées aussi. Et ce serait trop facile de croire qu'il y a d'un côté les détenus sains psychologiquement et de l'autre les dits déséquilibrés. Mmh. En fait, c'est un continuum de... un groupe de gens qui subissent la prison et ça a des conséquences plus ou moins graves sur comment elles réagissent vis-à-vis de ça et comment elles s'en défendent, quoi. Voilà. Et pour continuer, il y a aussi des actions collectives qui sont menées au sein du QHS. Mercredi 27 août et jeudi 28, il y a eu des inondations de coursives par les prisonniers qui ont laissé ouverts les robinets dans leurs cellules. Le deuxième jour, ils l'ont fait en tapant sur des ustensiles de cuisine en même temps pour faire un petit son et lumière au maton. Mais malheureusement, 5 à 6 personnes vont passer ou sont déjà passées. On n'a pas trop l'information en commission de discipline pour de la flotte, parce que quand même c'est une violence terrible. Il y a des matons qui ont été obligés de passer la raclette pour enlever l'eau et ils ont quand même fait un communiqué avec leur syndicat, parce que bon, c'est quand même terrible. Et plus sérieusement, par vengeance, ils ont coupé l'eau aux prisonniers dans le quartier pendant une nuit et ils leur ont laissé 3 bouteilles parce qu'ils disent que ils ont l'habitude de gérer ça, ils sont déterminés. Enfin, les matons, ils font comprendre qu'ils sont en guerre, quoi. Sur des trucs un peu moins rigolos, on va dire, il y a 2 prisonniers qui ont ingéré des piles la semaine dernière, aussi au QHS à Vendin. Au 2 septembre, ce serait de 20 à 30 prisonniers qui auraient commencé une grève de la faim, justement, qui était évoquée dans le communiqué. Et c'est vrai que c'est assez terrible d'être dans une situation d'isolement telle qu'en fait, dans cette institution, s'ils t'attendent pas à ta vie ou à tes jours, tu n'as pas possibilité d'être écouté. Et d'ailleurs, on apprend qu'il y a un protocole qui a été mis en place avec l'Agence régionale de santé qui prévoit le déplacement d'une équipe mobile du SAMU et qu'ils sont équipés là-bas pour faire, par exemple, des radios sur place. C'est ce qui est arrivé aux prisonniers qui avaient ingéré des piles. Et en fait, c'est super inquiétant, connaissant la propension de l'administration pénitentiaire à ne pas emmener les gens à l'hôpital, à ce qu'il n'y ait pas de médecin sur place, pas de spécialiste, et à l'entrave aux soins habituels, qui est encore pire là-bas, quoi. Et c'est aussi céder à la revendication des matons après l'évasion d'Amra de limiter les extractions au maximum, et donc de ne pas emmener les gens à l'hôpital. Donc pour les gens qui sont en grève de la faim, c'est hyper inquiétant. Et au ministère de la Justice, on a déclaré via leur porte-parole que l'idée est de ne pas donner trop d'importance à ce qui s'est passé ces derniers jours. Et ben, on va faire l'inverse et donner de l'importance à ça et se solidariser au maximum. Bah, déjà en partageant ce communiqué, en parlant de ce qu'est la réalité de ces nouveaux QHS, surtout que malgré l'isolement drastique qui est fait aux prisonniers, ils ont réussi à le déjouer. Et à faire des actions collectives et des communiqués collectifs. Je voudrais juste rajouter un mot, oui, dire vas-y. Que... Interrompez-moi, hein, n'hésitez pas. Je t'interromps ma vie pour dire que... que ce soit les quartiers d'isolement, les quartiers de haute sécurité qui avaient été démantelés, et aujourd'hui c'est QLCO qui sont un peu les héritiers de ça. Bah, en fait, les prisonniers, ils appellent ces quartiers-là des tombeaux parce qu'en fait, tu es enfermé et que tes conditions de vie, elles sont grave dures. Et on parlait avant l'émission aussi de Fabrice Borromée qui a été dans ce genre de quartier et qui n'a pas reçu les soins de santé nécessaires suite à des blessures, suite à des embrouilles avec des matons. Donc voilà, enfin, je pense que tout ce qu'on dit et l'importance de ce qu'on dit, c'est aussi que de manière générale, la vie des gens, elle est en jeu quand ils sont en tôle, mais particulièrement dans ce genre de quartier de surenfermement, quoi. Et ouais, pour continuer sur des prisonniers qui ont déjà subi ce type de régime-là, tout à l'heure, on a évoqué le nom de Redouane Faïd, qui, récemment, il a subi un nouveau revers de l'administration pénitentiaire. Bon, faut savoir qu'il est à l'isolement depuis 12 ans, hors des périodes où il s'est évadé de l'isolement avec parloir, hygiaphone, pas d'UVF, etc. En fait, il a fait beaucoup de recours depuis longtemps et fin juillet, la chambre d'application des peines de la cour d'appel de Douai a enfin estimé que ses conditions de détention étaient contraires à la dignité humaine. Elle laissait à l'administration pénitentiaire jusqu'au 21 août pour mettre en place un peu des assouplissements et lui faire un rapport d'information sur les mesures prises ou proposées à Redouane Faïd pour arrêter cette situation complètement inhumaine. Et évidemment, le 21 août, qu'est-ce que l'administration pénitentiaire l'a fait ? Elle l'a transféré de Vendar-le-Vieil vers Condé-sur-Sarthe, donc l'autre machin hyper sécuritaire, avec toute une mise en scène en hélicoptère, avec le GIGN et compagnie, pour finir encore à l'isolement. Donc voilà, c'est... En fait, le traitement de Redouane Faïd, c'est un peu l'archétype de la volonté de l'administration pénitentiaire de se venger et d'isoler à vie, ce qui répond à ce que tu disais sur les tombeaux, quoi. Comme dit dans le texte de L'Envolée, ces conditions étaient réservées à quelques prisonniers. Maintenant, à une catégorie de prisonniers dits narcotrafiquants, à tort ou à raison, bon, on s'en fiche, de par leur condamnation ou... ce dont ils sont accusés dans un quartier spécifique. Donc pourquoi après ça s'étendrait pas à plus grande échelle à finalement tous les prisonniers, toutes les prisonnières. Et c'est vrai que on parlait de Fabrice Borromée, je sais pas si on l'a rappelé, c'est un détenu guadeloupéen qui se bat pour retourner en Guadeloupe et à qui la paix fait toutes les misères du monde depuis des années. Et lui, il vivait déjà le fait d'être menotté à l'intérieur du QI pour chaque déplacement, ce qui est maintenant la norme dans le QLCO. Et il y a quelques mois aussi, dénoncer le racisme des matons à Vendin dans une lettre. Et tout ça pour dire que Darmanin, il n'a pas sorti toutes ses pratiques de son chapeau en juillet, mais que c'est des traditions, comme le disent aussi des matons, peut-être sans le vouloir. Eh bien, on va passer de la musique. Juste avant ça, je ne sais plus si tu avais dit que l'évasion. Lapsus. Le transfert de Redouane Faïd s'est fait en hélico. Oui. Et que du coup, bah, on fait dans le spectaculaire parce que c'est un prisonnier qui est dans le risque de s'évader, etc. Voilà, on fait dans le... Enfin, l'administration pénitentiaire fait dans le spectaculaire et dans le grandiloquent pour, voilà, empêcher ce prisonnier de s'évader et pour faire un traitement spécial qui est par ailleurs relayé dans la presse, bien évidemment. Oui, on dirait pas une évasion, mais plutôt un kidnapping, en fait. Voilà. Et on va s'écouter I Love You, I Hate You de Little Sims. I would give my life for this. If the bullet was the beat, I would probably die for this. How many times did I cry for this? I would hate myself if I didn't at least try for this. What's at stake is bigger than me. Blood, tears, how it stains, can't rid it with ease. What we have in common is our pain. We're given the keys to unlock what it takes to fight for what we believe in. Hard to confront the truth with what you see in the mirror. Some people you inspire and others you trigger. Fighting in blind faith led by the internal voice. You might not wanna do it, but you don't have a choice. Will the pressure take me to new heights or be my demise? Will my intentions coincide with what I advise? The people looking up to me doing everything right, but who am I to tell anyone how to live their life? Your pain, fresh hope will determine if you survive. I'm amazed by it, lying to myself, pretending I was never faced by it. Maybe 'cause you're in my DNA, that's why. Sometimes, always, but right now, you made the promise to God to be there for your kids. You made a promise to give them a life you didn't live. My ego won't fully allow me to say that I miss you. A woman who hasn't confronted all her daddy issues. The day will come when you gotta find all the answers to your sins. Pressures are provided, feeling unhappy within. Or what kind of external family shit up on your plate. But I understand wanting and needing an escape. Too much unsaid, now the silence giving me headaches. Only through speech can we let go of all this dead weight. Even though I'm angry, don't wanna be disrespectful. Trying to figure out how to approach this in the best way. Hard to not carry these feelings even on my best days. Never thought my parent would give me my first heartbreak. Anxiety giving me irregular heart rate. Used to avoid getting into how I really feel about this. Now I see how fickle life can be and so it can't wait. Should have been the person there to hold me on my dark days. It's easier to stargaze. I wish then be faced with this reality. Is you a sperm donor or a dad to me and still? Mission you live and learn. The world don't show you no mercy from birth. How do you humanize your hero? Grounded, you're only respected if earned. Half-hearted stories can't let your guard down. To get to Nirvana, where do you start out? Angry cause they don't meet your unrealistic standards. Then you realize that they're human and you calm down. Sometimes I'm unbalanced and I think, raw, why am I losing my steps? Lately I'm paranoid, I feel my life is a mess. I'm just using my voice, hope it will have an effect. He was just once a boy, often I seem to forget. Looking at Polaroids, a picture secretly kept. You know what was destroyed, but you don't know what was left. Trying to phase out the noise of all you hear in your head. Everything is a choice and anything can be said. Is you missing the point? Are you just hearing me vent? Or is you in understanding, knowing my words will connect? I'll keep you in my prayers, cause life is short as we know. Every mistake you make should contribute to your growth. What you choose to avoid will probably come in your dreams. I'm not forgiven for you, man, I'm forgiven for me. And sometimes sometimes sometimes On est toujours dans Carapatage, l'émission Contre toutes les cages sur Radio Libertaire jusqu'à 22h. Pour rappel, pour nous contacter, c'est par mail à carapatage@riseup.net ou au 4 Villa Stendhal 75 020 Paris. On a aussi un compte Instagram qui s'appelle Carapatage et un blog carapatage.noblogs.org. Pendant l'été, on va pas parler de Darmanin, on fait une petite parenthèse Macron. On fait une petite pause. Le Macron a déclaré qu'il n'aimait pas les adolescents, une haine qu'on avait bien remarquée, hein, et qui s'est traduite par la mise en place de nombreux couvre-feux cet été. C'est un peu une tradition, mais bon, pour faire place nette des adolescents contre qui il est en guerre, comme son pote Gabriel Attal. Tout est dit. Ouais, bah du coup cet été, comme maintenant ça devient un peu la norme, il y a eu plein de couvre-feux mis en place un peu à travers la France, à Béziers, à Triel-sur-Seine, à Saint-Ouen, à Viry-Châtillon, à Limoges, à Nîmes et encore plein d'autres villes. Et quasiment toujours concernant les mineurs, après avec des petites nuances, moins de 18 ans, moins de 16 ans, moins de 13 ans. Et avec des petites variations dans les heures, les horaires aussi, que ce soit 22h, 6h, minuit, 6h, 21h, 6h, enfin bref. Beaucoup de dans toutes ces villes, pour lutter contre soit le narcotrafic, toujours ce truc un peu vague, soit dans certaines villes, notamment en Ardèche, il citait spécifiquement l'apparition de tags ou la dégradation de matériel de la ville. Ouais, dans un village de 200 habitants en Ardèche, la France a peur. Et des vols de panneaux aussi, des panneaux de ville, ce qui est très dangereux parce que du coup les automobilistes se plantent. En soi, c'est pas complètement faux, mais bon. Voler les panneaux rigolos, peut-être pas les stops, enfin bref. Et du coup, comme du coup, ça devient un peu la norme, il y a plein de maires qui mettent en place des couvre-feux, c'est-à-dire que les mineurs ont le droit de sortir que s'ils sont accompagnés d'adultes, parce que eux, bien sûr, il y a un peu plus de règles pour leur mettre un couvre-feu qu'aux mineurs. Et s'ils le font pas, s'ils sortent, ils risquent des amendes, sachant que c'est des amendes qui ensuite peuvent s'accumuler et que le non-respect, ça peut être un délit, et aussi pour les parents. Et ça, c'est beaucoup un argument qui revient, toujours un peu ce réflexe raciste de punition collective ou d'aller taper les parents avec ses discours sur l'éducation, etc., etc. Parce que c'est dans beaucoup de cas, c'est pas la ville entière, c'est juste certains quartiers. Donc les quartiers où il y a des cités, quoi, où il y a des... Et du coup, il y a plusieurs personnes qui ont eu des soucis à travers la France, même si on n'a pas trop réussi à trouver un peu de chiffres ou de témoignages. Mais du coup, ça peut devenir un délit pour les parents, le fait de pas que leurs enfants ne respectent pas. Et cet été, il y a aussi des changements de la loi, avec la loi de Darmanin pour refaire la justice, qui a élargi les possibilités de couvre-feu judiciaire. C'est-à-dire quand le juge impose un couvre-feu, c'est-à-dire que maintenant, les juges peuvent imposer beaucoup plus d'horaires, et en gros, plus facilement. Et ce genre de couvre-feu... pour lequel des personnes qui sont dans la rue à des heures non autorisées peuvent recevoir des amendes. Ça c'est un outil supplémentaire donné à la police pour cibler et réprimer certaines populations pauvres et ou racisées dans certains quartiers. Et c'est pas la jeunesse dorée qui traîne au Bois de Boulogne ou qui est en train d'être un festival qui est ciblé, et, évidemment. Et ouais, bah en parlant de ça, ça rappelle une histoire qui s'est passée dans le 12e à Paris. Enfin, des jeunes qui étaient harcelés par un groupe de policiers juste pour exister dans l'espace public, en fait, jouer au foot ou plein de trucs comme ça. Et en fait, effectivement, bah, y a une accumulation d'amendes. Et c'est des jeunes qui finissent au début de leur majorité par avoir des dettes de plusieurs milliers d'euros, quoi. Et il y avait eu aussi bah, des cas dans ce même arrondissement d'un groupe de flics qui allait tout le temps palper des mineurs. Et en fait, c'était des agressions sexuelles en série. Et bah, sur cette situation, il y avait même une alerte du défenseur des droits. Bon, ça vaut ce que ça vaut. Mais qui reprenait un terme qui est en fait utilisé par l'institution policière d'indésirable, en fait. Et donc voilà, t'as des jeunes qui sont traités comme, des indésirables. Et bah, ça rappelle un peu, on a déjà fait des émissions sur le vagabondage, et qui est en fait bah, une forme de contrôle social. Pour les mineurs, il a été dépénalisé dans les années 30, mais pas sa récidive. Et en même temps, bah, quand t'as pas trop d'endroits où aller... Tout le monde n'a pas un jardin, une résidence secondaire, hein, donc c'est sûr que tu vas récidiver et juste exister dans l'espace public, et que c'est un truc pourvoyeur de multiples placements, et donc on voit que on peut le réinventer, ce délit de vagabondage. Il y a des trucs qui n'ont pas visé spécifiquement les mineurs, mais genre l'opération Place Nette ou des choses comme ça, quoi. De réguler la liberté d'aller et venir des enfants aussi. Par rapport à ce truc d'amende, c'est vraiment, enfin, il y a vraiment un truc pernicieux. C'est un harcèlement policier contre certains jeunes, où des fois ils prennent des amendes sans le savoir à des endroits où ils sont pas là. En fait, juste les policiers ont leur nom, prénom, coordonnées, et juste ils leur mettent des amendes à la chaîne, qui effectivement, comme tu le disais, les mettent dans des situations d'endettement, et que ce soit des jeunes, mais aussi des majeurs. Et en fait, sans qu'il y ait en fait aucune capacité de se défendre, parce que bah, juste les policiers le font, et rien ne peut les en empêcher, quoi. Et c'est très difficile de les contester. Et mais je pense que c'est beaucoup une conséquence du développement aussi des polices municipales et de plein de polices un peu de proximité. Ouais, les gardes urbains, et les trucs. Parce comme que ça. Beaucoup de ces couvre-feux, du coup, c'est des trucs municipaux, et c'est la municipale qui s'en charge et qui les réprime. Et bah, du coup, c'est des flics qu'il y a, il y a quand même vraiment de plus en plus. Enfin, après, ça fait quand même longtemps, mais quand même, c'est de plus en plus de pouvoir. Et du coup, je pense que c'est un peu aussi cette vision de. Enfin, cette répression un peu du quotidien avec. Un peu un harcèlement policier de proximité, avec des coups, des amendes qui sont pas non plus énormes, et du coup ils en mettent plein et ils peuvent les mettre à la chaîne, ainsi de suite. Et ouais, il y a un truc qui peut paraître contradictoire, étant donné que je pense qu'on n'a jamais autant parlé des violences faites aux enfants, et en même temps t'as toujours un rappel, surtout depuis la répression des émeutes suite à la mort de Naël, de bon sens familialiste, et que bah, en fait, potentiellement, il y a des enfants qui vivent des violences et qui sont enfermés avec leur famille et qui n'ont pas le droit de sortir, quoi. Mmh. Et aussi, en vrai, à chaque fois que ça en parle, il y a toujours quelqu'un sur le plateau pour dire à quel point c'est justifié et c'est stylé de, de s'en prendre aux enfants, du coup. Oui, bah, François Bayrou pourra en témoigner. Et bah, on a hésité à parler d'un truc aussi vite fait, qui est l'interdiction de réseaux sociaux avant 15 ans. Bon, ça devient un peu un vieux serpent de mer qui est souvent ressorti ces dernières années. Mais bon, avec cette histoire de couvre-feu, de pas de réseaux sociaux, c'est à double tranchant, parce que ce serait pour protéger. Mais comment tu veux t'informer, t'exprimer, si t'as pas accès aussi aux réseaux sociaux, un peu avoir une vie privée, tu peux pas sortir non plus, donc... C'est quand même un peu brider les rares droits qu'ont les enfants. Ouais, sachant que le premier bloqueur de réseaux sociaux pour les enfants, c'est les parents qui leur filent pas de téléphone. Au final, ils en reviennent souvent à ça. Et sinon, pour enchaîner, Ouais, je voulais parler vite fait de la maison d'arrêt de Strasbourg où fin juin il y a un détenu qui est mort dans un incendie de cellule et donc en réaction à ça il y a eu une mobilisation des détenus, des proches et de sa famille avec notamment un rassemblement pas déclaré où les gens dénonçaient les conditions de détention et l'aggravation des conditions. Il y a aussi eu des revendications qui sont sorties des détenus de la prison via les réseaux sociaux, justement. où ils décrivent la vie de plus en plus dure, avec par exemple la direction qui a coupé la viande halal, qui autorise plus qu'un paquet de pâtes par semaine et qui a divisé par deux les promenades. Enfin bref, encore un cas d'une prison où les conditions elles sont particulièrement dures et qui se dégradent. Et juste pour ajouter un truc, en fait, le prisonnier qui est mort là à Strasbourg, en fait, c'était une personne aveugle et elle était seule en cellule. Ouais. Donc, ce qui aussi en dit long de la prise en compte du handicap dans les prisons. Et ouais, sur les conditions d'enfermement de plus en plus dures, cet été, on a vécu plusieurs épisodes caniculaires qui étaient déjà assez durs quand t'es dehors et quand t'es précaire. Donc, quand t'es enfermé et qu'on te réduit tes promenades, faut imaginer ce que c'est. Et donc, Henri, tu vas nous parler d'un sujet qui peut paraître en apparence... plus léger, mais qui en fait ne l'est pas. Mais ne l'est pas parce que est-ce que Darmanin regarderait pas un peu trop TikTok ? Parce que tu vas nous éclairer sur cette affaire, parce que si comme moi vous êtes une boumeuse mentale et que vous n'y comprenez rien, vas-y Henri sur ce qu'il y a derrière ça. Je vais vous parler de ce qui s'est passé sur TikTok en août. Un drama aux millions de vues et de réactions. Entre deux influenceuses qui a fait le buzz sur TikTok cet été en France et ailleurs. Vous me direz, c'est quoi le rapport avec Carapatage ? Et vous auriez raison. Attendez. C'est le clash par vidéo interposée entre Emma Paris et Just Pyramid après que la dernière soit sortie de détention provisoire à la prison de Nantes-Carquefou. Si vous avez la flemme d'aller regarder les vidéos ou que vous n'avez pas de compte TikTok, déjà excellent choix de vie. Et ensuite, ne vous inquiétez pas, moi je l'ai fait et je vous résume tout ici. Emma Paris, donc, a fait de longues vidéos larmoyantes pour expliquer que sa désormais ex-copine, Just Pyramid, l'a trompée pendant qu'elle était en prison. Des tromperies entre influenceuses, vous imaginez bien que les réseaux sociaux en ont fait leur chou gras. Plusieurs soucis, cependant, parce que en faisant ça, Emma Paris balance aussi publiquement le nom, prénom et des détails sur la vie privée de la prisonnière avec qui son ex l'aurait trompée. Elle balance que cette dernière a un portable, ce qui est interdit, qu'elle communique avec l'extérieur, qu'elle serait une djihadiste, serait de retour de Syrie et serait l'ex-femme d'un commanditaire d'attentats qui ont eu lieu en France. Ainsi, plein de vidéos sont apparues sur TikTok. Ah ah ah, djihadiste lesbienne, ah ah ah, mais comment c'est possible ? Mais au-delà de la rigolade entre mille guillemets sur les réseaux sociaux, c'est quoi les conséquences de la vidéo d'Emma Paris demandant à ce qu'on compatisse avec sa peine de cœur ? Premièrement, une prisonnière qui se fait outer publiquement sur son homosexualité ou en tout cas sur le fait qu'elle ait eu des relations avec une autre femme. Deuxièmement, un buzz tellement grand que c'est arrivé jusqu'aux oreilles de Darmanin et qu'il a demandé une enquête administrative, ce qui veut dire des fouilles, potentiellement de plusieurs cellules dans cette tôle, confiscation de téléphone, potentiellement procès pour le fait de posséder ces téléphones qui, comme je l'ai dit, sont interdits. On peut s'imaginer que pendant des semaines, ces prisonnières de Nantes-Carquefou vont être particulièrement fliquées et surveillées. Aussi, si je me souviens bien, excusez ma mémoire, c'était long tous ces trucs, Emma Paris déplore que son ex ait été enfermé avec cette entre guillemets djihadiste, que ça devrait pas être possible, et donc elle appelle à plus d'isolement et d'enfermement pour une prisonnière dont elle ne connaît rien, alimentant par le même temps une polémique sur l'islamisme qui, en France, n'a pas besoin de l'être. Je finirai sur cette histoire en disant qu'Emma Paris se plaint d'avoir été trompée alors qu'elle a soutenu son ex-meuf pendant toute sa détention financièrement en allant la voir au parloir et qu'elle en a vraiment bavé. On n'a aucun mal à l'imaginer, on en parle tout le temps dans cette émission de comment les proches en bavent. Ce que ça nous révèle, c'est comment une influenceuse privilégiée socialement et économiquement tombe des nues quand elle se rend compte de la réalité de la prison, de ce que ça coûte financièrement et psychologiquement. De son côté, malheureusement, ça n'a pas occasionné de remise en question ou en cause de la tôle, de la police, des perquisitions traumatisantes qu'elle a subies en tant que compagne d'une personne ciblée par les flics et la tôle. Allez, je referme TikTok. Merci Henri, on y voit beaucoup plus clair, ça va mieux. Et oui, juste c'est un peu cocasse de la part de Darmanin de se gratter la tête en demandant une enquête, parce que comment les prisonnières et les prisonniers peuvent accéder à des téléphones ? Je crois que ça commence, la cause, c'est ça commence par Ma, ça finit par Ton, mais j'en dis pas plus. En tout cas, une des causes. Et ouais, peut-être pour dire une des raisons pour lesquelles j'avais envie de faire cette chronique et de parler de ça. C'est parce que t'as TikTok ? Alors oui, mais j'allais pas dire ça. C'est parce que en fait il y a beaucoup de gens qui ont pris le parti de Emma Paris, celle qui a été trompée, qui ont fait des vidéos pour la défendre, etc. Et en fait je voulais juste dire que c'est un peu grave ce qu'elle fait, quoi. Enfin, en mode poucave de plein de trucs, et puis je crée une petite polémique sur une prisonnière qui a rien demandé, etc. Et voilà, c'est un peu sur ça que je voulais revenir, quoi, que c'est pas seulement du drama TikTok. Merci à toi. Ouais, aussi, ça me fait penser à un autre truc qui était beaucoup sur les réseaux sociaux récemment. Enfin, je sais pas, ça l'a été énormément, en tout cas sur mes réseaux sociaux, je l'ai beaucoup vu. C'est il y a une nazie en Allemagne qui était condamnée il y a genre un an et demi à de la tôle, et qui là... entre sa condamnation et le moment où elle doit y aller vraiment, c'est-à-dire maintenant, c'est outé comme trans. Et bref, du coup, il y a eu un déchaînement médiatique, réac qu'on s'attend, mais aussi ce que j'ai le plus vu, c'est plein de comptes de réseaux sociaux, de politiciens, de genre d'humoristes en mode à la France Inter ou quoi, enfin un peu tous les gauchistes qui du coup ont sauté sur l'occasion pour vomir toute leur transphobie, parce que du coup vu que c'est une nazie, c'est ok de l'insulter parce qu'elle est trans. Et je sais pas, on vous voit, et c'est voilà, juste ça me fait penser, parce que c'est les réseaux sociaux qui pareil qui déchaînent, quoi. Et ouais, souvent c'est des affaires qui sont beaucoup commentées, et il y a quand même un truc même de personnes qui se disent féministes ou bon au fond qui sont TERF, mais que ce serait fait exprès pour être transférées dans une prison pour femmes, et qu'en fait qui sont persuadées que les prisons pour meufs, la vie elle y est plus facile, alors que non, pas du tout. Et en fait quand t'es féministe ou de gauche ou... ce que tu veux, ça veut dire que tu as des œillères sur la réalité des prisons pour meufs qui sont loin d'être drôles, et c'est pas pour avoir une vie confortable ou je ne sais quoi. Ouais, mais surtout, ouais, ça là, c'est ce qui rendait un peu. Je pense que ça faisait ressortir, parce que bon, évidemment, elle, a priori, on en a rien à foutre de sa gueule ou de ce qu'elle va devenir. Mais ouais, tout c'est. Enfin, vraiment, c'était drôle parce que ça faisait vraiment un peu de défouloir. Tu voyais genre toute la transphobie de gens et de comptes qui habituellement se polissent plus. Mmh. Et qui là, se déchaînaient là-dessus, quoi. Mais oui, c'est sûrement pas en interdisant à une meuf, même si elle est néo-nazie, de transitionner, qu'on en finira avec le nazisme et l'extrême droite. Et voilà. Et je précise que quand on dit nazi, c'est pas une façon de parler, quoi. C'est nazi, quoi. Là, c'est genre nazi en mode... en mode néo-nazi allemande. Enfin, c'est pas... Bref, j'utilise pas ça comme... comme synonyme de réac ou de faf, quoi. Bon, et je crois que ça va être l'heure de... d'aller mettre la viande dans le torchon. Et de refermer les micros. Et pour finir, on va écouter un morceau qui s'appelle Baroyer. Désolé pour la prononciation qui est sûrement... pas très juste, de Shervin Hajipour. En fait, c'est un morceau qui a été composé au moment du mouvement Femme, Vie, Liberté en Iran, et qui dénonce plusieurs oppressions que vivent les Iraniennes et les Iraniens dans cette dictature théocratique. Et c'était en écho à

j'ai comme un rancard qui me rend bizarre, comme les gens pressés et qui veulent pas causer, pour pas faire d'histoire, on changera de trottoir. J'ai dans la tête un je ne sais plus de 1925, un je ne sais plus qui continue à faire tourner le moulin dans le bric-à-brac où se fabriquent les idées qui font des couacs chaque fois qu'on veut se rappeler d'un je ne sais plus qui vous a plu en 1925 et qui n'est plus qu'une fleur perdue parmi les tas de chagrins d'un vieux passé qui n'est pas passé malgré le banjo qui se grattait le dos et puis le guignol où ma parole en venait paumer nos belles